On va parler de football avec notre ami François Laberge. Dans un match âprement disputé, l'équipe des Gaillards de Jonquière a remporté la Voile d'Or et on fait le bilan de l'année avec l'instructeur-chef des Gaillards. Salut François. Salut Danny. François, si on y allait maintenant avec c'était un match, ce qu'on pourrait dire âprement disputé, hein? Oui, un match où les deux équipes se sont suivies tout au long du match. On a commencé le match en force, on a pris les devants rapidement. Puis Saint-Lambert avait une attaque extrêmement explosive. Donc, ils sont revenus très fort avec des jeux explosifs, des longues passes. On est rentré au vestiaire avec un déficit de 5 points à la demi. On a apporté des ajustements défensifs parce qu'on avait eu une première demi défensive assez difficile. À l'attaque, ça avait été assez bien. On avait contrôlé le ballon, si on peut dire. On avait passé beaucoup plus de temps que les Cavaliers sur le terrain. Puis en début de deuxième demi, ben là, la défensive s'est tout de suite mise en marche. On a causé un revirement. Puis à partir de ce moment-là, l'attaque a eu un peu plus de difficultés au troisième quart parce que le vent s'est élevé puis on était face au vent. Donc ça a été un peu plus difficile de faire bouger le ballon, mais au quatrième quart, on a réussi à faire 14 points pour s'en aller avec la victoire. OK. Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs dans le vestiaire à la demi quand tu voyais que ton équipe tirait de l'arrière? Ah, écoute, c'était de rappeler les petites choses, de focusser. C'est pas des moments où il faut que tu paniques, il faut que tu gardes le calme, il faut que ça se ressente auprès de tes joueurs aussi. On a vraiment focusé sur les petits détails. J'ai dit à ma défensive qu'elle était meilleure que ça, puis que j'avais confiance en elle, puis que je savais qu'elle allait être capable de rebondir en deuxième demi. J'ai dit à mon attaque de se préparer parce que eux, c'est une équipe qui s'ajustait beaucoup, là. Souvent, il y avait des premières demi correctes, puis des deuxièmes demi où cette équipe-là explosait. Donc, on avait préparé notre offensive à continuer de produire, puis à contrôler le tableau aussi. On voulait laisser le moins de temps possible à son corps arrière, qui est vraiment un excellent carrière à prendre son rythme. Donc, c'est sûr, on a fait les petits rappels, on a gardé ça calme, on a gardé les gars calmes parce que, écoute, avec un déficit de 5 points, il n'y avait rien à paniquer. Ben, c'est sûr, c'est clair, c'est clair. Quel va représenter, c'est le troisième bol d'or, donc remporté par votre formation, c'est que ça va représenter pour l'équipe maintenant? Ben écoute, moi je pense que c'est vraiment un bol d'or qui est important. C'est de prouver que parce que les deux premiers avaient été gagnés sans que Chicoutimi existe. Donc c'était dans ce temps-là, il y avait plus de facilité à recruter des joueurs. Les Gaillards jouaient à 55 joueurs. Puis en fin de semaine, on a gagné le bol d'or avec 40 joueurs. Puis la dernière édition du bol d'or avait 31 joueurs de Ville de Saguenay. Puis cette année, tu vois, j'en avais 5. Oh, donc ça venait beaucoup du haut du lac aussi, là. Ça, c'est important de Ouais, ben mentionner aussi. le haut du lac est toujours important pour les Gaillards. Je te dirais que depuis l'arrivée de Chicoutimi, c'est avec le haut du lac que les Gaillards réussissent à continuer de performer. Les gars de Robertval, Saint-Félicien, Dolbeau, c'est toujours un élément à clé. Puis tous les coins autour de ces grandes villes-là, c'est vraiment un élément à clé de la réussite des Gaillards au cours des 10 dernières années, là, donc depuis l'arrivée des coureurs. OK. Si on y allait maintenant avec un petit peu le recrutement. Donc, j'imagine que ça va être plus facile de recruter normalement à ce temps-là. Ben écoute, au moins le jeune sait qu'on est une organisation gagnante, là, peu importe ce que les gens autour de lui peuvent lui dire. Tu peux pas enlever que les Gaillards, on a eu 11 victoires, aucune défaite, on a gagné le bol d'or, donc on a les entraîneurs, on a la structure, on a le Cégep amène les possibilités à une équipe gagnante. Donc nous, oui, on veut s'en servir pour recruter, pour montrer à tout le monde que les Gaillards du Cégep de Jonquière, c'est une équipe qui a du succès. On est la seule équipe au Saguenay-Lac-Saint-Jean à avoir ramené le bol d'or dans la région aussi, là, 3 fois. Donc, je pense que là-dessus, nos preuves sont faites. Maintenant, c'est sûr, ça reste un choix scolaire le plus Ben oui, important là, c'est pour sûr. moi-même. Même quand je vais recruter, je veux pas faire croire à un jeune que faire sciences humaines puis aller en criminologie, c'est la même chose que faire une technique policière, là. C'est pas mon cas. Faut vraiment orienter le jeune par rapport à ses études, mais oui, on va être très agressif dans le recrutement. On a des bons joueurs à remplacer, puis on a du terrain disponible pour l'année prochaine pour nos J'imagine que ça va être ça un petit peu que tu vas que là maintenant tu vas t'attarder, là. Oui, ben écoute, j'ai commencé hier, ben écoute, OK. tout l'automne, on a été voir des matchs juviniles, là. J'ai été voir plusieurs fois les Lynx du Pavillon Wilbois-Dufour, les Mustangs de Dominique Racine. J'ai vu les équipes régionales aussi, avec l'équipe à Serge Bouchard de Chibougamau, l'équipe qu'il y avait ici à Jonquière, plus l'équipe de Chagravel, et l'équipe de Saint-Félicien, bien sûr, à Kevin Tremblay. On a suivi ces équipes-là, on connaît les joueurs potentiels, on connaît les les jeunes qui nous intéressent aussi. Donc, à partir de là, ça va être d'aller faire la visite des écoles. On va présenter le programme, la ville et le cégep de Jonquière dans les différentes écoles de la région et à Québec aussi, parce que mon bassin de recrutement à Québec s'élargit de plus en plus. Ouais. Et c'est ça, on espère attirer plusieurs recrues potentielles. Là, on a des gens pour parler avec des jeunes de l'extérieur aussi, là, Trois-Rivières, dans le coin de Montréal aussi, à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai une recrue qui veut venir en ATM aussi. Donc, on a déjà commencé les démarches, on est avancé dans le recrutement, mais cette semaine, on est à temps plein, si on peut dire, là-dedans. Tu as dit que tu avais plusieurs postes qui se libéraient, donc ça veut dire que l'an prochain, ça va être une équipe en reconstruction? Non, je peux pas parler de reconstruction quand même, parce que avec mon carrière, qui est le meilleur carrière de la Ligue, qui revient pour sa troisième année, c'est certain qu'Anthony va être hyper dominant l'an prochain. Je dois remplacer Louis-Philippe Grégoire, porteur de ballon. J'ai un de mes trois porteurs qui revient, mais à la position de porteur de ballon, il y a des beaux prospects cette année dans la région. J'en ai ciblé plusieurs, puis moi, ce que je veux leur offrir, c'est vraiment une vraie chance d'être partant cette année, rapidement de voir du terrain, de pas perdre leur temps sur le banc. Donc ça, moi, je l'ai à offrir à la position de porteur de ballon. Puis en dessous de ça, on avait une jeune ligne à l'attaque cette année, donc on a plusieurs joueurs qui sont de retour sur la ligne à l'attaque, donc on devrait être vétéran à cette position-là. Plus que cette année, qui était une position qui a été un petit peu plus difficile pour les Gaillards cette année à cause des jeunes joueurs. On avait trois recrues sur le terrain tout le temps en permanence. Ensuite de ça, la position de receveur, on va être très, très bon aussi. La ligne défensive, j'ai trois ou quatre gars qui sont de retour, dépendamment pour les études. J'en ai un qui va être en stage à l'automne, ça va dépendre de ses heures. Demi-défensif, on perd seulement deux partants. Puis les secondaires, là, on a plus de joueurs à aller chercher avec trois qui reviennent sur six. Quand tu regardes, quand tu fais du recrutement, c'est un peu comme un repêchage. Est-ce que tu y vas avec le meilleur joueur disponible? Où tu y vas avec tes besoins pour les prochaines années? Écoute, on pense toujours à plus ou moins long terme. Là. Ouais. C'est clair que les besoins disponibles tout de suite, je vais faire lire aux joueurs entre les lignes que s'il fait ses devoirs, s'il se prépare bien, il va avoir une réelle chance de terrain rapidement. Mais sinon, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi de plus avec l'expérience, c'est ma dixième année de recrutement cette année au niveau collégial, les études. Si j'ai un bon étudiant, si j'ai un jeune qui est sérieux dans ses études, qui est bon à l'école, qui fait, je vais mettre souvent un peu plus d'efforts sur lui, parce que je le sais que s'il vient à Jonquière, on va l'avoir sur 2, 3, 4 saisons, qui va bien réussir à l'école, qui va travailler fort dans ses livres. Fait que ça devient un critère important pour un entraîneur-chef au collégial, la réussite scolaire, c'est certain. OK. On va parler des joueurs du Haut du Lac. Lorsqu'on a fait une courte entrevue la semaine passée, on a parlé des joueurs. Parle-moi maintenant de ceux qui... Simon Gagnon, un gars de Dolbeau-Missisni, tu m'as dit que lui, normalement, il peut même aller à l'université, il peut même passer à l'université, c'est ça tu m'as dit aussi la semaine passée? Ouais. Il faut qu'il continue à travailler fort à l'école, puis si il réussit à bien réussir ses études, je suis certain qu'à son année de finissant, il va avoir des approches d'une université. Au camp de printemps, il y a déjà McGill qui était très intéressé par lui. Donc c'est ça. Là, c'est sûr que Simon, c'est un excellent joueur, c'est un athlète incroyable, beaucoup de vitesse, un joueur solide physiquement avec beaucoup d'atouts aussi. C'est un naturel. Simon lui reste encore deux saisons collégiales, donc on y va une saison à la fois, étape par étape. Puis écoute, s'il fait tout ce qu'il a à faire, c'est certain qu'il y a un avenir au-delà du football collégial. J'ai aucun doute. Il a fait l'équipe étoile cette année, un honneur pleinement mérité. Deuxième meilleur plaqueur de l'équipe, là, un joueur d'impact sur les unités spéciales aussi. Là. Okay. Excellente saison pour Simon. OK. McGill, c'est pas facile là, au niveau scolaire. Là. Pas n'importe qui rentre à McGill, là, donc il faut vraiment qu'il travaille fort, j'imagine. Là. Oui, c'est certain. Puis les recruteurs leur font part aussi. Puis moi, ça me donne un coup de main parce que quand le recruteur démontre de l'intérêt comme ça, puis sensibilise le jeune avec les études, ben ça va dans le discours que moi j'ai aussi. OK. Les autres joueurs? Écoute, on a 5 partants qui viennent du Haut-du-Lac, qui ont des rôles clés avec les Gaillards du Cégep de Jonquière. On a Marc-Olivier Tanguay, un demi-défensif de Saint-Édouard, un excellent joueur, deuxième saison avec les Gaillards, revient encore pour l'année prochaine, un très bon joueur. On a Philippe Lapierre et Gabriel Morin de Saint-Félicien qui étaient deux partants qui terminent leur séjour avec les Gaillards cette année. Ils seront encore au Cégep l'an prochain pour terminer leur technique. Mais ces deux gars qui sont promis un bel avenir là, au niveau professionnel, ces gars-là iront pas à l'université, mais ils réussissent très bien leurs études alors que c'était des gars que leurs parents n'auraient pas gagé là-dessus. Mais quand tu es dans quelque chose que tu aimes, tu performes. On a aussi Simon Gagnon qui était partant bien sûr et Antoine Routier de Robertval. Antoine Routier, notre safety, un de nos meilleurs joueurs en défensive, s'il n'avait pas été blessé, aurait probablement fait l'équipe étoile aussi. Puis Antoine a des chances à l'université dès l'an prochain. Okay. Il a un beau physique, un gars qui cogne dur. Puis sinon, on a deux joueurs qui étaient plus réservistes, Louis Girard-Séguin et Marc-Alexandre Ouellet, tous les deux de Saint-Félicien, mais Marc-Alexandre a fait son football scolaire avec les Faucons de Chibougamau avec Serge. OK. Donc, François, félicitations. On va se reparler certainement. Toi, j'imagine, là, c'est le recrutement que tu tombes, là, j'imagine, puis de bien encadrer tes élèves au niveau scolaire pour pas qu'ils échouent, pour pas que tu perds un joueur l'an prochain. Comment c'est important? C'est à peu près ça que tu vérifies? Recrutement et encadrement? On continue la salle d'études obligatoire. Nous, on a une salle d'études obligatoire chaque semaine. Mon responsable de la réussite scolaire vient toutes les semaines dans le bureau pour faire les comptes rendus, les mises à jour des résultats des joueurs. On les suit au pas à pas. On resserre un petit peu. On a sensibilisé beaucoup sur l'école étant donné que notre saison était très longue. Là. Habituellement, on termine souvent en première ronde des séries dans les dernières années. Là, les gars sont rendus jusqu'au bout, donc faut donner un petit push là-dedans. Puis c'est ça, la préparation physique qui s'en vient aussi tranquillement là, dans deux semaines. On donne un petit deux semaines pour reposer les bodies. Puis ensuite de ça, on commence la préparation physique puis recrutement à temps plein. Là. C'est pas mal l'agenda de François Laberge dans les prochaines semaines. François, félicitations encore une fois pour on se reparle à l'ouverture de la saison l'an prochain. Ou si même si c'est des joueurs de recrutement du Haut-du-Lac, ça m'intéresse d'en parler. C'est sûr que je vais te recontacter. On a plusieurs joueurs sous notre mire. François Laberge, de l'instructeur des Gaillards de Jonquière.